Voici Guillermo Guiz. Salut les amigos. Salut. Alors je vais parler d'un sujet aujourd'hui qui nous concerne presque tous autour de cette table. J'ai nommé l'amour, mais vous pouvez aussi écouter Daniel si vous voulez. D'autant que ça concerne en plus un article de Madame Figaro, un magazine dont vous êtes un peu la mascotte, je pense. Combien de fois j'ai pas vu Daniel en couverture pour leur dossier la mode masculine, tout ce qu'il faut pas faire. Hein, je me rappelle du fameux à la plage, le mousqueton, c'est non Daniel, le mousqueton, c'est non. Bref, je suis tombé par hasard sur un papier intitulé « Qui quitte qui souffre le plus ?» où il était question de rupture amoureuse. Qui souffre le plus? Donc il faut que t'articules. Qui quitte qui? Qui quitte qui? Je peux pas être qui quitte qui pour une fois que je parle bien là. Ah là tu parlais bien. Qui quitte qui? Qui souffre le plus? Où était question donc de rupture amoureuse en tout cas entre hommes et femmes, voire entre papa et maman. Bon c'est quand même le Madame Figaro, tu vois. Faut pas exagérer le côté. On est entré dans le 21e siècle et tout. Je rappelle que l'actionnaire principal c'est Monseigneur Lustiger. Dieu sait qu'il a bougé pour la communauté LGBTQ. Mais là ces derniers temps je trouve un peu moins au taquet. Ceci dit, l'article était assez intéressant. Je lisais notamment que pour la première fois dans l'histoire de Sapiens, c'était le plus souvent la femme qui quitte aujourd'hui. Alors qu'il y a 60 ans, c'est généralement quand une femme n'aime plus son mari, elle lui disait « je vais te quitter » et lui disait « non merci ». Et ils restaient ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Quoi. Donc c'était vraiment, c'est un autre... il fallait s'accrocher. Dans les cimetières, ça donnait des beaux caveaux symétriques. Et par ailleurs... je disais que le temps de l'homme qui ne montre pas ses sentiments est révolu d'ailleurs, parce que d'après la neuroscientifique Lisa Feldman-Barrett, les hommes sont traversés par autant d'émotions que les femmes. Comprenez, une rupture amoureuse leur fait mal. J'étais là, c'est pas vrai. Sérieux? C'était ça alors qui me donnait envie de crever dans une panne de wifi. C'est parce que j'avais mal. Moi je pensais que pendant mes ruptures, si je pleurais, c'était en souvenir de mon oignon. Tu vois, mais non, je suis un de ces fragiles. Moi mes ruptures, elles durent toujours plus longtemps que mes relations en fait. C'est terrible. Quand je suis en rupture, t'as pas envie d'être mon ami. Hein. Je te dis, je te lâche pas, je t'appelle la nuit, le matin, t'ouvres ta boîte aux lettres, je suis dedans. Tu vois, je te fais, vas-y pour le moment, j'ai besoin de faire le point. Ça veut dire quoi pour le moment? J'ai encore une chance. Tu démarres la voiture, je suis plaqué sur les essuie-glaces. Vraiment, tu vois, elle a pas ouvert mon message. Elle est sûrement au cinéma, non? Ouais, mais là, ça fait 9h, mon pote. Bah, peut-être qu'elle regarde Show de Claude Lanzmann, tu vois. Tu la connais, elle a toujours été férue d'histoire. Ah, bref. Bien sûr qu'on souffre. Enfin, il y a des meufs, elles te quittent, ça t'arrache littéralement le cœur. Toi, t'as l'impression qu'elle a juste perdu un bracelet, tu vois. Franchement, c'est pas un reproche, Leila. Hein. Voilà, c'est pas un reproche. Vous m'auriez dit, Ernesto, j'aime pas les fans de Christiane Taubira, j'aurais compris, tu vois. Je vous aurais présenté Tanguy Pastureau. On serait restés amis, voilà. Mais là, j'ai souffert toute ma vie des ruptures. C'est pour ça que l'amour, moi, de ces trucs-là, de vegan communiste, moi, j'ai arrêté de ces trucs-là. Franchement, dans l'article, je disais que c'est statistique. Aujourd'hui, en France, un couple sur trois se sépare. Enfin, aujourd'hui, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas 10 millions de couples qui vont se séparer aujourd'hui parce qu'hier soir, ils ont vu ensemble l'émission pour la Terre de Nagui, tu vois, vraiment. Qu'est-ce que j'ai dit? En mode, je t'ai vu mettre du verre dans la poubelle à carton, fils de pute, sort de ma vie, non, tu vois, vraiment. T'imagines, n'empêche, 10 millions de ruptures d'un coup. Pénurie de Ben & Jerry's dans les supermarchés, etc. Vraiment, moi qui essaie de chiner 7000 célibataires sur Instagram, tu vois, j'envoie des messages en mode tu connais un peu la bande originale? Est-ce que je peux te faire rentrer gratuit? C'est comme ça que madame, elles sont là aujourd'hui. Hein. Je finis cette merde et je suis à vous, les filles. Hein. Vraiment, je lisais aussi dans l'article que s'ils se relancent plus vite dans une relation, les hommes se remettent moins bien d'une rupture que les femmes. Et là, je me suis dit, en fait, s'il y avait 10 millions de séparations aujourd'hui, ce qui arriverait surtout, et là, ça va être un peu moins fun, c'est genre un paquet de féminicides, quoi. Et là, on en a 121 depuis le début de l'année, il y en a encore une début de semaine. Et pourtant, le mot féminicide est toujours souligné en rouge dans Word, les amis. Allez, bonne émission. Merci. France Inter, Nagui, la bande originale.